Bonjour, vous êtes bien sur Radio Canut 102,2 MHz dans l'émission Basse Altitude. Alors aujourd'hui, on reçoit un jeune écrivain qui s'appelle Lionel Cepoloni et qui vient nous parler de son premier livre qui s'intitule D'un hiver à un autre, sous-titré Phalacrocoraxie hivernale. Et donc, c'est son premier livre qui est édité aux éditions Mutine, une petite maison d'édition qui se situe dans la banlieue dijonnaise. Ce livre se présente, donc déjà, c'est vraiment un bel objet. Et on peut dire qu'il a été fait en collaboration avec un peintre qui s'appelle Laurence Sibyl. Il contient 18 reproductions de ses œuvres et accompagne vraiment de façon très intéressante le travail de Lionel Cepoloni. Je pense que tu peux peut-être nous en dire quelque chose. Oui, le livre s'est d'abord fait et d'abord né de la rencontre avec Laurence Sibyl, donc qui est une artiste peintre bretonne qui habite à Paimpol en Bretagne, sur la côte nord de la Bretagne. Ça n'a pas été, comme tu dis, ça n'a pas été un travail d'illustration, c'est non, un travail de collaboration. De collaboration. J'avais été très touché par la peinture de Laurence, donc j'avais écrit des textes sur sa peinture. Oui, tu peux peut-être nous en décrire un ou deux tableaux de Laurence. Oui, c'est vrai qu'à la radio, on ne voit pas forcément les ce qu'on a sous les yeux. Tous les tableaux donc, sont reproduits en couleur. Ce sont des toiles, pour la plupart, qui tournaient autour du milieu du spectacle. Voilà. On s'est rencontrés autour de spectacles, de chansons, notamment d'artistes de chansons. Donc ce sont des toiles assez sanglantes, assez dures, assez fermées, qui se passent dans des lieux clos, voilà, avec des personnages. Des femmes seules ou des hommes seuls. Voilà, des personnages qui ont les yeux baissés, qui ont les yeux fermés, repliés sur eux-mêmes. Et donc, j'étais touché par ces toiles. Laurence a peint à partir des textes que j'avais écrits sur les toiles. D'accord. Et on a cheminé un petit peu comme ça. Ensemble, comme ça. Voilà. Donc il faut dire que le livre est composé de trois parties. Une première partie assez sombre, très noire, qui relate un petit peu tes années difficiles. Oui, on rigole aussi. Oui, c'est vrai. Une deuxième partie qui s'intitule Comme une araignée au plafond, fragment pour une résurrection ratée. Alors là, c'est une longue nouvelle. Enfin, ouais, une, c'est un long texte en prose. Un long texte en prose. Oui. Qui est une forme de transition, en fait. Oui. Et une troisième partie qui est composée essentiellement de poèmes et de quelques textes en prose qui, là, sont, comment dire, moins sombres que les premiers poèmes, se passent dans les lieux beaucoup plus ouverts. Oui. En Bretagne, dans la campagne, qui passe plus par une exploration physique du paysage. Qui relate tes voyages, qui relate ton rapport avec la nature. Oui, oui. Tu sors enfin de ta chambre, parce qu'il faut quand même dire que dans la première partie est urbaine et très centrée sur la chambre. Hein, voilà, on va en parler. On en parlera un peu tout à l'heure, en centrant plus sur le livre. Oui. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qui est très important, c'est que ton recueil est dédié à Jean Basquiat. Oui. Oui, c'est Jean Basquiat, c'est un poète, un grand poète contemporain. C'est aussi un chanteur, puisqu'il a fait un gros travail de mise en musique de ses textes. Il a tous les prix du disque, tous les prix disponibles, bardé de prix. C'est un personnage important de la chanson poétique et de la poésie contemporaine. C'est quelqu'un que j'ai découvert à l'âge de 12 ans, dont la parole m'a complètement retourné, traversé, qui a été une rencontre décisive. Donc je lui devais au moins ça. Oui. Et, d'ailleurs, on peut peut-être passer à une chanson. J'ai découvert avec cette chanson, c'est une chanson qui s'appelle Salut la vie, qui est très, très solaire, très, très dynamique, très. Très pleine de vie. Oui. Donc, Salut la vie, c'est Jean Basquiat. Voilà. Lâchez vos béquilles, saluez la vie, quenille et galère, fous-toi dans la vague, au bûcher du corps, arrachez vos cris, lâchez vos béquilles, saluez la vie. À vous l'impossible, à vous l'interdit, les yeux grands ouverts, plongez dans vos rêves, il veillait en vous, ni la servie. À vous l'impossible, à vous l'interdit. À porte battante, saluez la vie, elle monte vers vous dans les sangs, les sèves. Écoute, elle cogne, elle ouvre, elle jaillit. À porte battante, saluez la vie. La matière chante, écoute, elle jouit de tous ces atomes vibrant dans l'espace. L'orgue de la chair s'est épanoui. La matière chante, écoute, elle jouit. Un mot découvert, saluer la vie. Un torrent d'oiseaux traversera. Et dans ta poitrine, un astre fleurit. Un mot découvert, saluer la vie. À vous la parole, à vous ces pays, sans carte, sans douane, sans rive, sans ombre, son soleil avance à pas d'incendie. À vous la parole, à vous ces pays, lâchez vos béquilles, saluez la vie, quenille et galère, fous-toi dans la vague, au bûcher du corps, arrachez vos cris, lâchez vos béquilles, saluez la vie, saluez la vie. Saluez la vie, saluez la vie, saluez la vie. Donc Jean Vasca, saluez la vie. Là, j'en profite pour dire, pour annoncer, c'est quand même un petit événement. Jean Vasca n'est pas venu à Lyon depuis une quinzaine d'années. Et il vient nous rendre visite les 10 et 11 avril dans un petit lieu qui vient juste de se créer. Ça s'appelle l'Exigu. Ça s'appelle l'Exigu. Voilà. Alors, est-ce que tu connais l'adresse? Alors l'adresse c'est 26 rue du Doyenné dans le 5e. 26 rue du Doyenné dans le 5e. D'accord. 10 et 11 avril. Donc c'est un. Pour ceux qui sont intéressés, il faut absolument aller voir Jean Vasca, je suppose. C'est un artiste de scène aussi. Voilà. Qui est bon, dans la lignée des Ferré et de gens comme ça. Qui est honteusement méconnu à l'heure actuelle. Et donc pour toi, ça a vraiment été une influence décisive. Oui, bah, disons que Vasca m'a ouvert sur la poésie, sur une certaine forme de poésie. Une poésie qui me touche, c'était une poésie très chaleureuse, très solaire, très humaine, mais plus qu'humaine, qui charriait tout un matériau sonore et physique. Qui t'ont touché profondément. Oui, qui m'a ouvert aussi sur d'autres auteurs. Et donc ce livre, c'est aussi un remerciement. Oui, bien sûr. D'accord. Pour moi, c'est l'aboutissement de ce mouvement qui a été enclenché au moment de la rencontre. De la rencontre avec Jean Vasca. Ouais. Et Vasca, c'était aussi... par Vasca, j'ai eu la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de livres, un certain nombre d'auteurs qui m'ont... eux aussi profondément marqués, notamment, j'en parlerai plus tard, Kenneth White, et la poésie japonaise, la poésie extrême-orientale en général. Peut-être se pencher un petit peu plus sur ton livre et lire quelques-uns de tes poèmes. Oui. On va se pencher sur la première partie, qui est la partie, on va dire, de l'enfermement, du mal... du mal-être, une poésie... Crispation. La crispation, de la solitude aussi. Oui. Et de la rencontre, quand même, dans cette solitude-là, d'éléments qui peuvent aussi s'avérer parfois bénéfiques. Oui. Disons que la situation d'une situation d'enfermement, les personnages regardant toujours malgré tout par la fenêtre, c'est lié à mon arrivée à Lyon, c'est lié à une situation d'enfermement urbain, d'où une vision très négative de la ville. D'accord. Et donc, je vais peut-être lire le texte qui s'appelle « La ville », et ensuite je lirai un texte qui s'appelle « Vent d'hiver ». Donc, « La ville ». Tout autour, « La ville ». Façade bouchée, horizon barré, le piège est dressé. Tout autour, la ville, des milliers d'horloges sectionnant le temps de leurs dents d'argent. Tout autour, la ville, des milliers d'antennes accrochant au ciel leurs vieux os de fer. Tout autour, la ville, des milliers d'appels, sirènes fonçant dans le vide. Tout autour, la ville, des milliers de monstres visqueux et avides rampant dans l'abîme. Tout autour, la ville, corps écartelés, désirs découpés, rêves enragés. Tout autour, la ville, cancer impassible, violence invisible du ver tendu. Tout autour, la ville est, pour s'échapper, quelques rêves rances d'îles ou bien d'errance. Et parfois, une île s'ouvre dans la ville, tremble dans le vide, cernée de silence. Et toujours, la ville, vite se redresse, acère ses serres, resserre ses nerfs. Tout autour, la ville, rêves encagés, îles saccagées, le piège est parfait. Ça laisse une impression assez particulière, surtout de la façon dont tu le lis, c'est très agressif. C'est très agressif, mais... D'accord, mais c'est ça, en fait. C'était le rapport que j'avais à la ville, qu'on peut avoir, à mon avis, dans une ville, cette impression d'amputation, d'enfermement, de violence permanente et d'agression. D'accord, c'est l'agression qui répond à l'agression. Voilà, oui. et sinon le texte Vent d'hiver. Il n'entend plus le vent d'hiver, l'homme amolli. Le vent d'hiver ne fouette plus son âme, d'homme amolli. Le vent ne le lave plus de la ville où il s'ennuie. Il n'entend plus le vieil appel. Ouh, ouh, écoutez, écoutez, écoutez le vieil air, écoutez. Il tremble encore en vous, il vibre étouffé, écoutez. Il vous défie, il vous délivre, il vous emporte, écoutez. Barbare bâillonné, braillez, braillez. Faux loup domestiqué, mordez, mordez. Secouez vos mouettes, réveillez vos ours. Ouh, ouh, écoutez le très vieil appel. Je n'entends pas le vent d'hiver, je ne peux pas, je suis trop vieux. 3000 ans de torpeur dans la tête, je suis trop faible et fatigué. Je veux dormir, je n'entends rien à ce vent trop vivant pour moi. Je dors, je veux dormir. Ouh, ouh. Et c'est là, après ce poème, qu'on peut parler un petit peu de ce que cherche à rendre, enfin de ce que tu cherches en poésie en fait, retrouver l'écoute du vent d'hiver. Le vent continue de souffler, même dans une ville, même dans une ville. Il y a des poèmes sur le vent, beaucoup. Je veux dire que je n'ai rien contre la ville. La ville peut être vécue comme un enfermement, mais elle est aussi traversée par des ouvertures. C'est pour ça que les personnages qui sont décrits ou qui sont... L'attitude qui est sous-tendue dans cette première partie, c'est une attitude d'attente crispée. Voilà, de crispation. Oui. On n'entend plus, on n'écoute plus. On n'y arrive plus. Mais le dernier mot est au vent. Le dernier mot est au vent, d'accord. Ça continue de... Voilà, mais quand tu dis par exemple je suis trop vieux, 3000 ans de torpeur dans la tête, je suis trop faible et fatigué, est-ce que tu peux nous expliquer ça? C'est une manière de dire aussi 3000 ans de torpeur dans la tête. Il ne s'agit pas d'un problème psychopathologique personnel, il s'agit de tout un état de civilisation qui fait que pour quelqu'un d'un tout petit peu vivant à l'heure actuelle, d'abord c'est difficile de le rester vivant, et il y a une espèce de pathologie générale de nos sociétés. Qui est lié non pas à une espèce de malheur qui pèserait en permanence sur l'humanité, et il s'agit aussi de sortir de ça, il s'agit de sortir état de civilisation. D'où ton intérêt pour la culture japonaise, pour la littérature japonaise, la littérature chinoise, la culture extrêmement orientale. Ce que je trouvais déjà tout petit, et il s'agit, pour moi c'était pas du tout quelque chose d'intellectuel, ce que je trouvais dans cette poésie, ce que je trouvais dans ces littératures, c'était des sensations de monde, c'était des choses... Un rapport plus direct peut-être au monde. Un rapport direct au monde, un rapport... sans filtrage métaphorique, sans filtrage... Subjectif. Le jeune n'est plus vraiment présent dans la poésie japonaise. C'est ce que... moi, je lisais des haïkus, par exemple. Voilà. Le haïku... a été très important pour toi. D'ailleurs, on va retrouver ça dans ta deuxième partie, dans laquelle tu vas t'inspirer de la forme du haïku. J'ai commis honteusement quelques haïkus, pseudo-haïkus. Il faut peut-être dire ce que c'est que le haïku. Le haïku, oui, quand même. Le haïku, c'est un très bref poème japonais qui est né au XVIIe siècle... le premier grand maître, c'est Matsue Basho. Ça se présente sous une seule ligne d'écriture, divisée en trois mouvements, trois segments. On dit souvent c'est trois vers, en fait, c'est une seule ligne d'écriture. Je peux en lire quelques-uns de Buzon. Ah, le rossignol, pour chanter, il n'ouvre que son bec minuscule. Azalée en fleurs, au hameau de Katayama, la blancheur du riz. Ondée printanière, devise en s'éloignant. Manteau de paille et parapluie. La journée s'étire, un faisan vient se poser sur le pont de bois. Remarque, c'est assez météorologique. C'est vraiment à l'écoute de la nature, et puis surtout, des choses, des instants. Surtout, ce sont des images du monde. Voilà. Ce sont des petits clichés comme ça. Oui. Des instants. Des instantanés. On est dans l'ici et le maintenant. On est dans une vision... transparente, dans un rapport au monde transparent. Objectif. Il n'y a pas de sujet. Non, il n'y a même pas de sujet d'objet, je pense. D'accord, non. Dans un rapport transparent. Il y a une immédiateté, une présence immédiate qui fascine les auteurs occidentaux qui arrivent très peu à faire ça. Mm-hmm. Ils essaient. Nous, on a du mal à atteindre ça. Et moi, je sais que donc, quand j'avais 12-13 ans, pour moi, ce n'était pas du tout des choses exotiques. Mm-hmm. Au contraire. C'est quelque chose que tu sentais très présent. Pour moi, ça me parlait de ce que je voyais, de ce que je sentais. Je retrouvais cette sensation de monde, d'espace dans ces textes-là. Je retrouvais ça dans d'autres auteurs. Hein. Je trouvais ça beaucoup dans Giono, par exemple. Mm-hmm. Je trouvais ça dans des auteurs comme ça. Mais on trouvait pas ça beaucoup dans la littérature occidentale classique. Qui parle beaucoup plus de morale, qui parle de où il n'y a pas tout ce cheminement dans la condition humaine, toujours des tableaux de l'humain. C'est ça qui me... Je ne veux pas dire par là que faut forcément expulser l'humain, que les misères de l'humain ne C'est vrai que c'est pas. C'est une littérature qui quand même permet de respirer parfois. Enfin, c'est une littérature c'est qui permet de respirer. Et qui, à mon avis, peut faire plus, peut vraiment déboucher sur tout un espace de vie. J'anticipe un peu. J'étais pas dans cet espace de vie au début du livre. Voilà. Et donc, on peut peut-être lire les ouais. quelques haïkus que tu ouais, as que j'ai tu commis. As produit. Oh, tu c'est as pas après besoin, c'est un crime. Enfin, c'est très prétentieux de ma part, mais pourquoi pas. Je vais lire une série, ce sont des haïkus si on veut. Je vais lire une série qui s'appelle L'hiver à la fenêtre. Toujours à dans la fenêtre. Voilà, dans la partie de ton... Oui. De ton... L'hiver tape à la fenêtre, pluie plein le bec. L'hiver glisse au long des fibres du laurier. L'hiver mord dans le tronc du noisetier. Gouttes d'eau au bout des branches, l'hiver les lèche. Herbes grises, lourdes de givre, l'hiver les serre. Cogne l'hiver contre la vitre, sang plein le bec. Ivre l'hiver de sa puissance, ouvrant le verre. Sang plein le bec, fenêtre ouverte, vibre l'hiver. Et là, on retrouve toute la poétique. L'hiver, l'oiseau, le vent. Oui. Tout ça se retrouve dans des petits clichés, des petits instantanés. Oui. Je trouve, enfin, moi, c'est réussi, quand même. Enfin, on va pas... Écoute, hein, c'est... Merci. Voilà. On va peut-être faire une petite pause musicale, ouais. maintenant, avec de nouveau Jean Vasca. Vasca, alors, c'est plus... C'est quoi, cette fois-ci ? En demi-teinte, oui. Nous n'avons du château. Avec ses yeux crevés, des ombres, des rumeurs, sous d'autres latitudes. Nous n'aurons de château qu'au-delà de nous-mêmes. Gagne une pelle sans fin réelle. Cette étoile impossible qui nous écarte-t-elle? Nous n'aurons de château qu'au-delà de nous-mêmes. Qu'au-delà de nous-mêmes. Mais Maintenant, après avoir parlé un petit peu de la première partie, qui était la partie de l'enfermement, on peut dire ça comme ça, de la crispation, on va parler de la partie transitoire, la partie de la transition. Une araignée au plafond. Comme une araignée. C'est quand même une longue nouvelle. Oui, une nouvelle, c'est un long texte en prose. Voilà. Ce ne sont plus des poèmes. C'est très, très littéraire, ça, c'est très, très, très travaillé. J'ai essayé d'aller jusqu'au bout d'un travail d'écriture, que je remets en cause, parce que pour moi, la poésie, ce n'est pas un travail sur les mots, c'est un travail sur la vie. Et j'ai cru pendant un certain temps qu'on pouvait se contenter de travailler sur les mots et arriver à sortir par les mots. C'est un peu asphyxiant, peut-être. C'est asphyxiant, et puis surtout, ça marche pas. Ça marche pas, oui. De toute façon, j'arrive au bout du texte, donc on part d'un personnage qui est... peu importe le personnage, d'ailleurs, mais c'est un personnage qui est dans une salle de bain, qui est allongé. Qui est immobilisé, vraisemblablement dans un sale état. Je pense qu'il a dû prendre beaucoup de saleté, de comprimés, de drogue, tout ça. J'ai lu plus tard Michaud, j'ai retrouvé beaucoup de choses que je décrivais dans le texte. Ça m'a beaucoup frappé dans certains livres de Michaud. Il voit une araignée au plafond, il délire sur cette araignée, autour de cette araignée, à travers... Qui devient le centre de son univers. Voilà. C'est un texte sur la fixité, et à travers ce point fixe qu'il regarde, il va, et à travers le miroir qu'il regarde, il va se voir dans une salle de spectacle, c'est un musicien, il va se voir dans une loge de spectacle, à travers le miroir de la loge, il va se voir au bord de la mer. Et donc, on a accès à un univers... On a accès à un univers naturel, on a accès à un univers ouvert qui est celui de la mer, mais on a accès à cet univers à travers toute une série de barrières, toute une série de filtres. Filtre de l'alcool, filtre du verre, filtre des mots, filtre de tout ce travail sur les mots. Et malgré tout, au bout du texte, on arrive à une extase, on arrive à un mouvement, à un moment blanc, où il s'imagine, où il se sent nager dans cet espace blanc, mais ça reste une extase littéraire, ça reste une sortie littéraire. Et c'est pour ça aussi que cette nouvelle est sous-titrée « Fragment pour une résurrection ratée ». C'est raté, oui, c'est raté. C'est Galen qui dit on n'arrive pas à une apothéose par des moyens uniquement littéraires. Ah. Et un moyen que j'ai aussi... Donc c'est un exemple, quoi. Enfin, tu essayes de prouver... Non. Disons que j'ai pas écrit le texte en me disant... Je pense que j'aurais pas pu aller plus loin si j'avais pas fait le texte. D'accord. J'essayais d'aller aussi loin que possible avec mon outil, parce que je savais pas du tout où j'allais. J'ai pas fait un livre en disant je vais à un endroit et j'arriverai à un tel autre. Il y a une phrase de Lietze qui dit le vrai but du voyageur, c'est d'oublier là où il va. Je savais pas où j'allais. J'avançais avec ces mots, j'avançais avec ça. Je me suis aperçu... Jusqu'à épuisement. Oui, je me suis aperçu qu'au bout du compte... ça n'était pas suffisant, mais malgré tout, je m'étais débarrassé d'un certain nombre de choses par ce texte. Et ça m'a permis d'arriver à autre chose. Je court-circuite un petit peu le texte en citant une phrase d'Artaud au début qui dit « La vraie vie est mouvante et blanche, la vie cachée est livide et fixe, elle possède toutes les attitudes possibles d'une innombrable immobilité. » Donc, c'était un texte sur la fixité. Mais pour moi, la vie, ça n'est pas un point fixe, ce n'est pas ça du tout. Moi, j'avais envie d'accéder plutôt à cet espace blanc mouvant, blanc volant, comme disaient les peintres chinois. Après ce travail littéraire qui est donc au centre du livre, transitoire et qui ne vaut qu'en tant que transition, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que j'ai repris contact. Avec le dehors, avec la réalité, peut-être on peut dire. Avec la réalité, avec le paysage, notamment le paysage breton, parce que c'est à ce moment-là, à cette époque du livre que j'ai découvert le paysage breton, je me suis mis à marcher le long de la côte, et ça a été une espèce de grand éclair blanc, une phrase de Kenneth White qui dit « Un seul rayon blanc anéantit toute la comédie », ces marches le long de la côte ont anéanti toute la comédie qu'il y avait dans ma tête autour de moi. D'accord. Et donc, tu as aussi passé une nouvelle technique, entre guillemets, d'écriture, en fait. Oui. Tu as choisi de partir en voyage avec des carnets dans lesquels tu notais un petit peu tes impressions, tu notais des instants. Ou même pas mes impressions, je notais des images. Des images, des instants. Voilà. Et... qui ont donné naissance au poème qui compose la troisième partie. Voilà, oui. Ce sont des notes. c'est sous forme de notes ou de poèmes plus travaillés. Il y a différentes choses. On peut en lire quelques-uns pour. Verger en hiver, on s'était dit. Oui, d'accord. Page 135. Oui, donc ça c'est. Verger en hiver, primevère précoce, audacieuse, un peu perdue et folle sans doute, s'épanouissent dans le givre. Pommes tombées à terre, près du bassin débordé, pourrissent, taches rouges dans le givre. Verger dévasté, sur les branches renversées, gouttes de rosée, brillance du givre. Cri furieux dans le brouillard, le noir du corbeau proteste contre tant de blanc, le travail du givre. Du ventre en sang de la pomme, une mouche émerge. Malgré le givre, s'envole. La nature est folle. Dans le verger engourdi, narguant le bec du corbeau et les dents du givre, une mouche vole. Moi, ce qui m'a à chaque fois étonné en lisant ces textes, c'est que parfois, il y avait une sorte de rappel de la rime, comme si... Je cherche pas à expulser forcément. Non, je sais, mais c'est à chaque fois, c'est assez étonnant. Ça donne un rythme un peu différent au texte. Je travaillais beaucoup sur des rimes 5-7 qui me venaient de mes lectures de poésie japonaise, puisque tout est le rythme. En Occident, on a un rythme 6-6, on a un rythme 8-12. Là-bas, c'est des rythmes 5-7. Et je me sens... Des rythmes bancals, un petit peu. Oui, des rythmes qui laissent... Qui laissent place à quelque chose. Les équilibres, voilà. Nous, on a tendance à penser l'équilibre, le déséquilibre comme un manque. Un manque, oui. Le déséquilibre, c'est ce qui permet de... Il y a des poètes contemporains qui ont récupéré un petit peu cette façon de penser. Oui, on trouve beaucoup de choses. Depuis Verlaine. Oui. Tristan Corbière. Oui. Puis donc, il y a un travail purement de notes, où ce sont, par exemple, les notes du bord du trio. Je ne vais pas lire tout, c'est long. Je peux lire le début. Notes des bords du trio. Le trio, c'est une rivière... sur la côte nord de la Bretagne. Voilà, et on peut dire que ces notes sont agrémentées d'un... De tableau, d'un tableau, oui. Bord du trieux. Voilà. Et que tu décris, d'ailleurs, il me semble, dans le poème. Je ne décris pas le tableau, puisque je ne l'avais pas sous les yeux. Tu ne l'avais pas sous les yeux. Oui, enfin, c'est ça. C'est le tableau et le poème qui se répondent. Ça correspond, oui. Oui, puisque à travers Laurence, donc, le peintre qui travaillait sur le portrait et qui travaillait sur des lieux clos, a été amené aussi à changer... à essayer de changer sa manière de peindre et à peindre aussi des paysages. À peindre des oiseaux. À cause de ton... Voilà, en couverture, il y a un goéland sur fond rouge. qui saigne, oui. Mais il vole quand même. Donc ça donnait des choses comme ça. Matin calme de fin d'hiver, les goélands à contre-vent remontent le trieux, la mer baisse. Main droite engourdie par le froid, écume autour des rochers, celle à la commissure des lèvres, goamet, je marche vers la mer. Et d'autres textes qui étaient plus jaillis, qui venaient toujours à l'issue de marches. Il y en a un qui s'appelle « Le vent à Guilben ». Guilben est une pointe bretonne. Et ensuite, j'enchaînerai avec un texte qui s'appelle « Sens à l'Indien de Bréa ». Vent, bourrasque d'écume, embrun, particules, c'est les rocs, varechs et aiguilles, branches et coquilles, mousses à la mer, rivages emmêlés. Vent, mer et ciel mêlés. Le grain et l'embrun, barque retournée, voyez dans sa barque l'humain chaviré, voyez-le danser. Vent, où va le vent, où va la tempête, nord au sud, est en ouest, tourbillonnant d'eau et de parfum, odeurs océanes, miel continental, résine et marée, monte la marée autour de Guilben, rocher submergé, où va la marée. Vent, tourbillonnant, tourbillon cosmique, vent gris, vent bleu, vent d'ardoise, de pain et de plumes. Vent dans le plumage de l'oiseau totem, vent dans le verre vide de son œil. Vent, vol vers le large, vent, file à l'horizon, à ce point limite où le soleil blanc porte la mer blanche à incandescence. Vent, incandescent, venu du soleil pour y retourner. Vent, né du soleil, balaie tout obstacle pour y retourner. Une certaine fureur, quand même, aussi dans ce poème. Ah, ça souffle. Ouais. Ça souffle, exactement. Ouais. Qui reprend le souffle. Je me souviens, j'étais assez loin, j'étais parti en marchant, et il faisait bien pleuvoir, il y a eu un grain épouvantable à ce moment-là, et je savais que j'allais devoir marcher pendant bien longtemps là-dessous, j'avais rien pour me protéger, donc j'ai éclaté de rire. D'accord. Mais comment je trouvais ça ? Est-ce que tous tes poèmes comme ça sont liés à des anecdotes, un petit peu, où tu as un souvenir précis à des marches ? Oui, parce que toujours je mets le moi et le lieu. Pour moi, le lieu est très important. C'est lié au lieu. Celui-là n'est pas travaillé, il a été jailli. Enfin, jailli, c'est beaucoup dire. Le vent t'a traversé, t'as soufflé. Le vent m'a traversé, il a laissé ça sur le carnet. D'accord. J'ai reproduit c'est l'idéal. Presque tel quel. D'autres textes ne sont plus travaillés. Ah, celui-là est déjà assez. Et... Par exemple, le Stance à l'Indian Brea. Donc, j'étais là, j'étais accroché à un rocher à 30 mètres au-dessus du sol. Il y avait cette espèce de figure d'Indien, un rocher au milieu de la mer. Et j'écris ça après quelques heures accroché à mon rocher. Indien au fond rouge, fendu d'océan. La blessure de ton crâne saigne encore. Indien au front bleu, rongé de soleil. Le cri noir de tes corbeaux vibre encore. Indien au front large, comme l'horizon. Fiché dans ton œil la flèche, horizon. Indien de granit, d'ombre et de lumière. Brisé dans tes creux les braises de lumière. Indien de calcaire, d'algues et de marée. Poli dans tes mains le verre des marées. Indien de tempête, d'écume et de vent. Blanchi dans tes bras le blanc de l'écume. Indien du désordre, indien du désir, levez tes 10 000 verges vers le ciel. Indien de l'essor, indien de l'espace, lâchez les mouettes astrales de ton corps. Indien millénaire, indien planétaire, tout signe tendu ainsi, tu désignes la voie du désir, la voie du désordre, la voie éternelle, la voie du réel. Indien du réel, indien éternel, indien front blessé, toi, l'indien de pierre. C'est là qu'on peut voir que tu envisages aussi la poésie, enfin, comme tu le disais au début, comme une libération. Oui. Une sorte de libération de carcan psychosocio-personnel oui, oui. qui nous en sert. Oui. Il s'agit d'essayer de se laisser traverser par... Par les éléments du paysage, par le paysage lui-même. Oui, par quelque chose de beaucoup plus primordial, par quelque chose de beaucoup plus... Essentiel. Énorme. Non. Ouais. Alors là, je le fais encore à travers des, enfin, des images. À travers c'est quand même une sorte de réconciliation que tu cherches, enfin, à travers oui. ta poésie. En tout cas, le travail qui s'est fait, qui n'était pas uniquement un travail donc, sur le texte, mais le texte, les mots accompagnent le parcours, balisent oui. le parcours, mmh. Qui passe donc par une pratique de marche, par une pratique d'attention, tout simplement. Il s'agit de regarder autour de soi. Le poète, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la lune, même s'il s'intéresse bien à la lune. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la lune, qui est coupé du réel. Non, le poète, Follin dit, c'est un expert en attention. Le poète, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui regarde autour de lui et qui essaie de se défaire de l'ombre portée de sa propre conscience, de l'ombre portée de son éducation, de la société, de l'éducation, de tous les carcans, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient sociologiques, qu'ils soient politiques. Et c'est en ça que la poésie, à mon avis, peut avoir... n'est pas un acte inutile. Non, la poésie est révolutionnaire, mais pas au sens... pas au sens... Il ne s'agit pas de révolution culturelle au sens politique, au oui. sens maoïste ou autre. Il ne s'agit pas d'une action directe. Ça peut passer par là aussi. Hein. Le Vasca, surtout de ces dernières années, par exemple, a cette dimension... Politique. Oui, ah oui. Ouais, complètement. Ah. Là, ça ne ressort pas des textes que j'ai choisis, mais il y a des textes très, très vigoureux sur la guerre du Golfe, sur certains événements comme ça. Donc, je veux dire, ça peut passer par là. Voilà. Donc le poète est vraiment, dans le réel, et ouais. dans le réel, dans toutes ses possibilités. Ouais. Il essaie d'explorer les possibilités du réel. Voilà. Et moi, je sais pas, bon, par exemple, je lisais un texte sur la ville, qui au départ était assez violent. Mon rapport à la ville a complètement changé voilà. en ayant fait ce parcours. Je peux lire, par exemple, le texte « Premier flocon » qui arrive à la fin du livre. Donc ça se passe à Lyon, mais on ouvre sur un autre espace. Décharnés, les doigts de bise, toute la nuit ont gratté aux vitres opaques. Et le chat de la maison, éveillé toute la nuit, s'est plaint d'un malaise lancinant, la peur sifflée, gratté glacé dans la nuit le verre des vitres. C'est alors que sont tombés dans le jardin et cinglant les premiers flocons. Silence de neige, dans le jardin découvert, guêpes blanches volent, et la paume à vif, presque sans frémir, les accueille. Un souffle a chassé la peur. Le chat reste à la fenêtre, étonné. Un goéland traverse le ciel avec dans ses ailes la lumière. Tu te balances, compagnon, comme une tringle dans le vent. Et le maroufle que l'on pend se fout pas mal de tes chansons. Tu peux toujours t'en mitoufler pour la saison chez Gallimard. Tu sais qu'avec ou sans guitare, on finit toujours sur les quais. La poésie fout le camp, Fillon. Y'a que du néant sous du néon. Et tes chansons, même en argot, ont quelques siècles sur le dos. je parle d'une balade à faire avec mon vieux hibou, on me demandera jusqu'où je compte aller en promenade. On ne sait pas dans mon quartier qu'une balade en vers français, ça se fait sur dessous de papier et sans forcément promener. La poésie fout le camp Villon, y'a que des bêtas sous du béton. Et tes chansons, même en argot, ont quelques siècles sur le dos. En 1960 et plus de tes juges, on a les petits. Ça tient une famille à ce que l'on dit, ça se fout une robe et t'es pendu. Tu vois, rien n'a vraiment changé à part le fait que tu n'es plus pour rimer les coups de pied au cul que nous ne savons plus donner. Poésie fout le camp Villon, y'a que du néant sous du néon. Et tes chansons, même en argot, ont quelques siècles sur le dos. Emmène-moi dedans ta nuit qui est pas frangine avec la loi. J'ordonne qu'après mon trépas, ce qui est écrit soit écrit. Y'a les corbeaux qui traînent ici, peut-être qu'ils n'ont plus de pain, et je n'attendrai pas demain pour qu'ils aient un peu de ma vie. La poésie fout le camp François, emmène-moi, emmène-moi, nous irons boire à Montfaucon, à la santé de la chanson. C'est donc Jean Vasquin qui chantait une chanson écrite par Ferré et jamais, jamais enregistrée par Ferré, qui s'appelait La poésie fout le camp Villon. Ferré ne l'a chantée que sur scène et jamais enregistrée. Et donc nous avons parlé durant cette heure du premier livre publié par Lionel Cepoloni, qui s'intitule D'un hiver à un autre, qui est sous-titré, comme j'ai déjà dit, tout à l'heure, phalacrocoraxie hivernale. Tu peux peut-être nous dire maintenant ce que c'est, ouais, enfin, dévoiler enfin le... Ça vient de phalacrocorax, le cormoran. Qui est le cormoran. Dans le nom latin. Moi, ce qui m'intéressait dans le cormoran, la figure du cormoran, c'est que c'est un oiseau dont les plumes ne sont pas imperméabilisées, donc il est obligé de se sécher les plumes en ouvrant en grand les ailes, les sécher au vent du large. Ça lui fait une très belle attitude d'ouverture avec ses ailes ouvertes. Le cou tendu vers le ciel, et c'était un petit peu l'attitude, la posture que je cherchais à adopter, à trouver dans le livre. D'accord, c'est très intéressant. On peut rappeler que le livre est paru aux éditions Mutine, qu'on peut se le procurer en écrivant aux éditions Mutine, 34 rue des Vernottes, 21110 Cessé-sur-Til, c'est dans la banlieue dijonnaise, je répète. Peut-être parler un peu plus de tes activités lyonnaises toujours poétique. Ouais, on reste dans les mêmes choses. Ouais, moi j'essaie d'animer là sur Lyon un atelier de géopoétique. Parce que je parlais un petit peu de Kenneth White. Kenneth White, donc un poète franco-écossais, né en Écosse, qui a beaucoup compté et compte beaucoup pour moi. Qui est l'initiateur de la géopoétique. Voilà, il a fondé cette notion de géopoétique, une poésie qui est un peu une lecture du monde, une poésie d'ouverture au monde. Qui passe aussi d'ailleurs qui englobe certains éléments de la science et de l'épistémologie contemporaine, qui englobe pas seulement donc le champ poétique, la géopoétique dépasse un peu la poésie. Et donc sur Lyon, moi j'anime un atelier de géopoétique qui s'appelle l'atelier du Rhône. Voilà, et qui consiste en quoi? Qu'est-ce que font les gens qui vont... Alors pour l'instant, on va faire venir Kenneth White en octobre-novembre normalement. D'accord. Et pour l'instant, ce sont des travaux de déambulation dans Lyon, de notes et un travail d'écriture. Ça passe quand même par un travail d'écriture. Je peux dire quelques mots de Kenneth White, puisqu'il y a un texte à Kenneth White, d'un livre un petit peu où je rends hommage à tous les gens. Voilà, parce que dans ton recueil, oui, tu as rendu hommage à Jean Vasquin, à Kenneth White, à Guy Vic. Kenneth White, à Claude Roy. Il y a de nombreuses citations en exergue, en fait, hein, de ton livre. Ouais, on l'a vu, Antonin Artaud, Fernando Pessoa, Roger Caillois, qui accompagnent, en fait, ton cheminement poétique. Oui, c'est pas né comme ça, une réflexion. C'est franchement nourri de lectures de poètes. Il y a des gens qui disent que moi, je ne dois rien à personne. Je trouve ça profondément ridicule. Et moi, je dois tout à tout le monde, à certaines personnes. Mmh. Bon, c'est bien évidemment mon cas. Ma petite personne n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Et pour le montrer, je vais peut-être lire quelques textes de Kenneth White. Son, donc une poésie très, très limpide. La vie dans les collines. Il a écrit ça à Gorounel. C'était exilé dans une petite cabane à Gorounel. En Ardèche. La route que j'ai prise monte à 3000 mètres. La rivière que j'ai traversée cascade à plus d'un endroit. Abrupte est le sentier pour arriver chez moi. En été, il se perd dans les ronces. L'hiver, je vois tomber longuement sur la vallée, dans la nuit, la neige à gros flocons. Je regarde mon feu et j'ai du mal à croire qu'autrefois je vivais dans les rues d'une ville. La ligne côtière. Écrire des poèmes, plutôt suivre la côte, fragment après fragment. Ça avance, ça respire, ça se déploie. Et on peut peut-être entendre la voix de Kenneth White, passer un petit extrait d'un poème de White, lu par lui-même. Lu par White. Tous ces détroits, ces lacs, ces pertuis. Et les mouettes à la jetée de l'Args, assis dans ce café à la grande fenêtre pleine de vent et de lumière, à lire, à observer, à penser. La glace, autrefois, je la regarde qui descend depuis la haute arête centrale jusque dans l'Atlantique. Je la sens qui creuse les lacs, sculpte les crêtes rocheuses, lisse les longues plages. La terre émerge, meurtrie, étourdie dans la lumière arctique. Les fous de Bassan s'assemblent sur les îles, les aigles sur les monts couverts de pins. La linaigrette danse au vent. Des hommes arrivent, regardent alentour, perplexes. Quel nom pour ce lieu ? Alba. Méditation de la plage blanche, contemplation de la montagne, imprimée dans l'esprit. Et voici maintenant pour une autre musique, pour une autre musique linguistique, le poème en anglais, dans un anglais un peu écossais. All those kails... lochs and sounds, and the gulls at Largs Pier, sitting in that cafe at the big window full of wind and light, reading and watching. Thinking back to the ice, watching it move from the high middle spine out into the Atlantic, feeling it gouge out lochs and sculpt craggy pinnacles and smooth long beaches. The land emerges, bruised and dazed in the Arctic light. Gannets gather on the islands, eagles on the piney hills. Cotton grass tosses in the wind. Men come gazing around them. What name shall be given it? Alba. White beach meditations, mountain contemplations imprinted on the mind. Il s'agit là donc d'extrait du poème Scotia Deserta, pris dans le livre Atlantica. Kenneth White, je pense que c'est un très très grand poète contemporain, et il est maintenant tout à fait reconnu en France et un petit peu partout dans le monde. On peut trouver, donc c'est un poète qui a écrit aussi des waybooks, qu'il appelle les waybooks, les livres itinéraires, les livres de voyage, les livres d'habitation, qui s'exposent à un lieu, des livres d'essais, il est auteur aussi d'une œuvre d'essayiste. Oui, notamment sur Antonin Artaud. Sur Artaud, sur Ségalène, sur des gens comme ça. D'accord, moi je crois qu'on a fait le tour un petit peu de ce qu'on devait faire. On va rappeler que ton livre, qui s'intitule D'un hiver à un autre, est publié aux éditions Mutine, qui a été fait en collaboration avec Laurent Siby, qui est peintre. Et tout ça, merci d'être venu. On va peut-être finir avec un court extrait de Kenneth White, chanté, mis en musique. Par Jean Bastien, comme ça fait le lien. Hein. Tout, le tout ça est très lié, très cohérent. Très lié. Et donc ça s'appelle Le vide, le blanc, le vide, le vent, le blanc. Extrait de. Voilà. extrait de Atlantica.